le diamètre de la Terre à l'équateur est de 12 756 km. Et la circonférence de la Terre à l'équateur est de 40 075 km. La surface de la Terre est de 510 065 700 km². Et la surface des terres hébergées de 149 700 km. Le mec qui pense que ma bosse, c'est rien de plus des chiffres. Le mec qui pense que ma bosse, c'est rien que les nombres. Le mec qui pense que ma bosse, c'est rien que les pourcentages. Le mec qui pense que ma bosse, c'est rien que les statistiques. Mais non, ma bosse est là. Ma bosse est encore plus fort pour te dire à toi que le monde est fort. Et aussi des pourcentages. Mon boss est ton fromage. Et ton boss est le fromage. Docteur, c'est une grosse boule du boulot. C'est la carrière du sol du milliard d'années. Et toute petite par rapport à Jupiter. Et la fin. Maintenant, toute la glace. Mortalité infantile, comme les années 48%, espérons de vie, 67,80, un taux de mortalité, le dernier 47. Et pas tout seul, on se voit qu'à la lune.